suis sur ta mère, t'es dans de sales affaires, t'as plein de choses à faire, tu me l'as fait à l'envers. Mais de toute manière, moi c'est tout pour la famille, ma mère, mon frère. Je vois la nuit, je fume de l'herbe le jour, c'est du pas comme je suis qui. Et moi j'aime ma vie, mais sans qu'elle va être courte, pour y claquer mes billets. Y'a rien sans rien, parce que je deviens mille loin des traites, même plus un wesh ça va bien. Et je me souviens, dis-moi si je mens, personne ne croyait en moi quand j'étais en chien. Faut pas trop dire tes soucis, ce que tu fais, ça te mêle quand tu dis tes projets. Faut éviter pour mettre tes fleuris, me registre. T'inquiète, la lune, on va la décrocher. Je me prends des flashs à la lime. Propos sur propos, je m'abîme. Elle est dingue de moi, ta copine. Plus d'amour, plus de sentiments. Qu'est-ce que tu penses de moi, dis-moi. J'étais moins sans soi-disant. Je t'avais prévenu gentiment. Je reste le même dans la rue. Je change pas de comportement. Tu m'as pris pour qui, pour de bon. Les claquettes, le survêtement. Ils peuvent parler de moi jusqu'à demain. Je suis en voiture à 4000. Je me roule un pet à 180. Si elle est schmi, tu peux pas faire demi. J'suis loin, j'suis loin. Je me retourne, je ne vois plus personne. C'est soit je suis dernier, soit je suis loin devant la deuxième personne. Je suis loin de tout, je suis loin du sol, je cherche le droit chemin. Je suis loin sous le parasol et le mix dans la main. Ça fait longtemps, ça dit quoi mon ref? Je suis pas ton ref, j'ai pas ton temps. Je fais mon heure, je fais mon genre, vais ce qu'il les agences. Miss, de la poussière jusqu'aux étoiles, c'est saturé de vice. Le drapeau blanc, un joli car, c'est maculé de pisse. Regarde-moi comment je suis loin, tu peux même pas compter les points. Prochain clip, je peux me frotter les mains, y'a plus de frissons devant la Guenta. Je suis avec tout le soir la Honda, loin des tasses devant Agendas. Faut j'pense au bien, faut j'pense à être là. Y'a rien sans rien, franchement j'arrête pas. J'ai ce qu'on cache dans un soutif, j'ai ce qu'on cache dans un sourire. Je sais voir plus loin que mes soucis. On a tous des bouches à nourrir. Crois pas que t'es loin, t'es juste tout petit. Crois pas que t'es loin, t'es juste tout petit. Je suis loin, tellement loin. L'hologramme fait des glitches. Des femmes se négligent pour des stars éphémères. Je suis loin, tellement loin. L'hologramme fait des glitches. Plus qu'un gramme de répit avant que cela ne dégénère. Je suis loin, je suis loin. Je suis loin, je suis loin. Pour m'attraper, ça n'est pas. Chinois, chinois.